You

Votre logement et certaines de vos habitudes quotidiennes sont extrêmement énergivores. Il existe de nombreuses solutions pour réduire votre consommation énergétique. Installez votre réfrigérateur ou congélateur au bon endroit. Il est impératif de laisser de l'espace entre le mur et l'appareil pour que l'air circule correctement. Servez-vous de votre réfrigérateur pour décongeler les aliments. Le froid émis par le produit congelé rafraîchira naturellement les autres aliments de votre frigo. La consommation d'électricité de l'appareil en sera donc diminuée. Les économies énergétiques les plus facilement réalisables concernent vos toilettes. En effet, chaque chasse d'eau coûte en moyenne 40 euros par personne et par an. En équipant vos chasses d'eau d'un système à double commande, vous réduirez facilement leur consommation. Cet équipement libère soit le volume d'eau entier du réservoir, soit une partie, souvent la moitié. Par rapport à une chasse d'eau traditionnelle, il permet de consommer environ 55% d'eau en moins. Cela équivaut à plus de 20 euros sur l'année pour une personne. Vous aussi, utilisez la technologie Smart Home. Dirigez votre maison depuis votre smartphone. Renseignez-vous sur www.techni-k.eu. Toutes les infos sur la communauté d'Aglosen Air sont sur ta radio. www.sen-air.zoradio.net. Ta radio locale plus proche de toi. Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this. So let me apologize. Yeah. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. All those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Can you turn around, just wait. Can we work this out? I'll give you melody, make the bum bum be. I'll give you melody, make the sun so sweet. You can come on with me, oh. Got the soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, cause we got audio. Make it go. Make the bum bum be, I'll give you melody. Make the bum bum be, I'll give you melody. Make the song so sweet, you gon' come on with me, oh. Bum bum bee, I'll give you melody. Make the bum bum bee, I'll give you melody. Make the song so sweet, you gon' come on with me, oh. Girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Oh, yeah.

Me gusta mi reggae. Nati Nat. Becky, Becky, Becky. Bad Bunny, Bad Boy. Secretar, dar, Yankee, yo. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Suertecita la cintura, pa' bajarte toda esa calentura. De nadie me dejo, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro. Para ese modelo, le sobra el piquete. Si fuera triple, le llovieran los billetes. Yeah. Antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes. Sois pleine, reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine.

Dès que le givre atteint 3 mm d'épaisseur, il est essentiel d'entretenir votre appareil, sous peine de voir sa consommation augmenter de 30%. Ce réflexe permet d'économiser environ 30 euros par an. Si possible, investissez dans un appareil récent, optez pour un modèle de classe A+. Ceci vous permettra de diminuer la consommation électrique de votre frigo jusqu'à 60%. Vous aussi, utilisez la technologie Smart Home. Dirigez votre maison depuis votre smartphone. Renseignez-vous sur www.techni-k.eu. The Radio Senneur, votre radio locale dans toute l'agglo. The Radio Senneur, la radio la plus proche de vous. Me.

Your eyes.

won't steer it up. Give it up, I want you give it up. Me and you should be living up. Ain't nothing stopping this go, go, go. Get a little close, young girl. Sips a rock with the juice, young girl. You know no excuse, young girl. I'm ready to turn up. The way you say it got me feeling like I'm faded. The way you do it got me wishing we were naked. You got that bad, bad love, and I just can't get enough. And I know my friends say, yeah, girl, stay away, but I like what I like. I eat that bad, bad love. I breathe that bad, bad love. I need your bad, bad. So take me away, cause tonight is a night.